À vous l'antenne. Comprendre l'essentiel d'une information culturelle. Exercice 1. Chers auditeurs, bonjour. Nous commençons la matinée en beauté par notre rubrique culturelle. Aujourd'hui, coup de cœur pour Virginie Hoc. Retenez bien ce nom. Cette comédienne arrive de Belgique, où elle a déjà créé deux spectacles. Pour son nouveau seul en scène, qu'elle a souhaité plus personnel, c'est dans son quotidien et ses souvenirs qu'elle a tout naturellement été chercher des idées qu'elle présente avec tendresse sous forme de petites histoires. Fidèle à elle-même, elle parlera aussi d'amour. Le genre, c'est un mélange de clown, de théâtre classique, d'improvisation. Allez vite l'applaudir au théâtre de 10h, du 6 février au 21 avril, à 20h, du mardi au samedi.